Chapitre 3e. L'aube éclaira, à l'entrée de la baie, le Revenge balancé sur ses ancres. Au ras de la grève, une estrade haussée sur son plancher, la table, dont la nappe blanche ruisselait de soleil. Les rayons frisants s'éclaboussaient en éclairs aux facettes des cristaux, aux polis de la vaisselle d'argent. Armée, ville, navire étaient conviés en témoins du duel et jugeraient loyalement des coups. Une rumeur planait sur Orbitello. Les grilles des casernes s'élargirent pour le défilé des troupes en tenue de parade. Elles se dirigèrent vers la plage, se formèrent en haie. Un canot déborda du Revenge. Bisson parut sur la rive en grand uniforme. Le commodore Turkney débarqua, superbe et grave. Les cuivres déchaînèrent leurs fanfares, tandis que le général saluait son adversaire. Ensemble, ils gravirent l'estrade et s'assirent face à face. Le canon tonna. L'action s'engageait, solennelle. La nappe s'inonda d'une profusion de hors-d'œuvre. Les sommeliers posèrent devant les convives les bouteilles débouchées de Chablis Mouton et de Château Yquem. Thon, hareng, anchois marinés furent mis au pillage, histoire d'exciter la soif. Une mortadelle, ronde et grosse comme un boulet de siège, s'émietta sous les dents de l'anglais, tandis que Bisson se rabattait sur un saucisson de forte encolure. Aux extrémités de la table, Daubenton et le major Woolsey assistaient au duel. Le mutisme des adversaires, absorbé par leur besogne, provoqua la verve du capitaine. Il adressa au major, seul en état de lui répondre, car ventre affamé n'a pas d'oreille. « La partie est engagée. Causons tous deux pendant qu'ils mangent. Aimez-vous les proverbes? J'en sais pour toutes les circonstances. Tenez, en voici un qui est d'un gai convive. La table est le seul endroit où on ne s'ennuie jamais pendant la première heure. On peut l'appliquer, je crois, à nos chefs. » Le major exhiba ses formidables dents sous le retroussi de ses lèvres. C'est ce qu'il appelait sourire. Cependant, un commandement roula. Les troupes portaient les armes. Sur un vaste plateau hissé au bras de 4 mètres d'autel, s'avança, géant nacré, un invraisemblable turbot. À la vue du monstre, enthousiasmé, malgré lui soulevé sur les mains, le commodore esquissa un salut. Derrière le turbot, 2 porteurs haussaient de profondes saucières. L'une débordait d'un coulis aux queues d'écrevisse, l'autre hérissait les carapaces écarlates de langoustes. Le poisson dépecé en larges tranches, Bisson poussa le plat vers son hôte. « À vous l'honneur, il vous revient de droit, c'est le tribut de la mer. » Prestement, le commodore riposta. « Ah, le contrebandier !» Enfin, il était écrit que ce gaillard ne m'échapperait pas tout entier. Le Johannisberg remplaça les bouteilles déjà vidées. Sur le plateau ne restèrent bientôt plus que l'arête, la tête et la queue du monstrueux turbot. Les carapaces rouges jonchaient le sol, les assiettes étaient nettes de sauce. Une dinde trôna, vaste boursouflure de graisse, le rein tendu, meurtri de truffes. L'anglais retroussa des narines sensuelles. Une énorme béatitude élargissait sa face, écartait les broussailles de ses favoris. Des brochettes de succulentes becfigues, alignées par douzaines, flanquaient le dos du volatile. Successivement, les 2 convives, par amusette, tandis que l'on découpait la pièce de résistance, prenaient chaque oisillon par la pointe du bec, le saupoudraient de sel, l'introduisaient sous la moustache et le mâchaient d'une bouchée. Les 6 douzaines expédiées, ils entamèrent la dinde. Méthodiquement, du plat à l'assiette, de l'assiette à la bouche, les mains de l'anglais précipitaient les morceaux. Daubenton, penché vers Bisson, lui souffla. Il engloutit trop vite, il est perdu. Le général répliqua à mi-voix. « Ne chante pas trop de victoire. Ça sera dur, je m'y connais, sa méthode est bonne, vois comme il mâche. » Daubenton secoua la tête, incrédule. « Non, il n'irait pas sur les pontons. » Il insista, têtu, il gonfle. Et les cuisses avaient disparu. La carcasse fut dédaigneusement jetée. Formidable, dans son baston de croûte, un pâté de foie gras fit sous son poids gémir la table. « Ah !» dit le capitaine du génie. « C'est de ma partie. Voilà une fortification qui risque fort d'être démantelée par l'assaut. » Avant qu'il n'eût achevé sa phrase, une large brèche éventrait le corps de place. Et le château Lafitte emplit les verres. Un arrière-train de chevreuil réclama le romané, puis le château neuf des papes maria ses puissantes fumées à l'arôme fort défaisant. Bisson eut un confiant sourire. Les énormes rasades de son adversaire lui faisaient escompter la victoire. Lui, il buvait par lampe égale, espaçant chaque coup de mastication solide et copieuse. La saveur fraîche des asperges vint à propos pour apaiser l'irritation des palais. Elles s'empilaient en deux bottes énormes, chacune de 100, et dont la moindre tige ne fut pas entrée dans l'âme d'un fusil de rempart.